cette fumée. Ils perdent la foi dans la bouffée. Sia sur la place s'efface et part. Dans ses pensées, tombe dans la mare de l'oublier. Il se relève et soupire sur le pire. Sur la place s'efface et part. L'ivresse s'éteigne, elle tombe. S'efface et part.